2. Je m'étais assoupie quand le téléphone a couiné. Le soleil faisait des efforts méritoires pour transpercer le voile de smog résiduel couvrant LA. Certes, l'action des écolos avait amélioré la visibilité, mais il leur restait du pain sur la planche, n'en déplaise à McCullen, le pourfendeur des Cofrix. Allô ? A lancé une voix typiquement new-yorkaise, c'est-à-dire nasillarde et s'exprimant comme si elle voulait concurrencer la vitesse de la lumière. Je parle bien à Mickey Katz ? Je suis Benjamin Lofson, des éditions Scream Black Cat. Je dois vous rencontrer de toute urgence. Je suis actuellement retenu au Festival lesbien de Palm Springs, le Dinah Shore Weekend, où se produit l'une de nos romancières. C'est la folie. Je suis encerclé par plus de 15 000 nanas déchaînées. Je doute d'en sortir vivant, mais j'aimerais vous voir demain à San Diego. Est-ce possible? J'ai un travail passionnant à vous proposer, et je pense que vous êtes la seule à pouvoir le mener à bien. J'ai hâte de vous rencontrer. Mon assistante va vous rappeler pour vous donner les coordonnées du rendez-vous. Sur ce, il a raccroché, sans doute parce qu'il était à bout de souffle et que l'asphyxie menaçait. C'est dur de parler comme un New-Yorkais quand on n'a pas des poumons de sportif. J'ai quitté sur la pointe des pieds la cahute des surfeurs pour rejoindre ma voiture. C'était une Chevrolet Biscayne de porte, sédan de 1970, rouge vif, au moteur remis à neuf qui avait englouti toutes mes économies et à laquelle je tenais plus que tout. À cause des routes barrées, des poteaux électriques abattus en travers des trottoirs, j'ai mis une éternité à regagner les bureaux de l'agence. Là-bas, j'avais de quoi reprendre forme humaine et avec un peu de chance, si l'eau n'avait pas été coupée, je pourrais prendre une douche. Quand je me suis jugée présentable, 2 heures plus tard, j'ai poussé la porte du bureau de Devereaux qui m'a jeté un sale regard. « C'est qui, ce Ben Lofson ?» ai-je attaqué. Un fils à papa qui a été viré d'une célèbre université en 3e année pour manquement à l'honneur. Ça peut cacher n'importe quoi. Son paternel lui a confié la gestion d'un secteur de la maison d'édition familiale. Grosse boîte spécialisée dans le best-seller, les confidences croustillantes, les mémoires de nourrices d'enfants de stars, les théoriciens du complot, les victimes d'enlèvements extraterrestres et tutti quanti. Beaucoup de fric. Tous les auteurs passent régulièrement à la télé et cartonnent sur les listes des meilleures ventes. Je pense que le gamin a fait une connerie qu'il va vous implorer de rattraper. Vous verrez sur place, je n'ai pas réussi à lui tirer les vers du nez. Son assistante a laissé les coordonnées du rendez-vous. Les voici. Restez vigilante. Ben Lofson, c'est le genre de bad boy de la haute, le maître de cérémonie chéri des fraternités étudiantes, le spécialiste des épreuves humiliantes qui font sangloter les freshmen. S'il a intégré l'entreprise familiale, c'est parce que son père a menacé de lui couper les vivres. Ce manquement à l'honneur, ai-je insisté, ça pourrait être en rapport avec un bizutage qui aurait mal tourné? Possible. En dépit des mesures édictées par les universités, les bizutages font plusieurs morts chaque année. Certaines cérémonies d'intronisation pourraient figurer au programme de Guantanamo. Soyez sur vos gardes, surtout si vous vous retrouvez seul avec lui. Je sais que son père a étouffé une accusation de viol en dotant l'université d'une bibliothèque équipée d'un secteur de numérisation top niveau. J'ai hoché pensivement la tête. Je connaissais bien ce genre de playboys qui hantent les nightclubs du GHB plein les poches. Ok, ai-je promis. J'essaierai de ne pas lui casser le nez dès la première prise de contact. Sur ma table de travail, j'ai trouvé une feuille sabrée par l'écriture anguleuse de Devereaux. Demain, midi, San Diego, devant le Spruce Gauze. J'ai fermé la porte de mon bureau avant de m'étendre sur l'antique canapé occupant le mur du fond. Il fallait que je récupère de ma nuit blanche. À 33 ans, les super-pouvoirs de la jeunesse commencent à s'effriter. J'en faisais chaque jour l'expérience. J'ai sombré dans l'inconscience avec la lourdeur d'une enclume échappée de la soute mal fermée d'un avion cargo volant au-dessus des nuages. J'ai dormi 10 heures d'affilée. À mon réveil, j'ai essayé de surfer sur Internet pour collecter des informations sur ce fameux Benjamin Lawson. Hélas, rien ne fonctionnait. Le séisme avait détruit les relais Wi-Fi du quartier. J'ai passé le reste de la journée claquemuré dans mon minuscule territoire, tentant vainement de contacter mon assureur à propos des dégâts subis par ma maison. Là aussi, j'ai fait chou blanc. Recroquevillé sur le canapé, sirotant un ouzo au citron vert pour me calmer, j'ai cherché à me rappeler ce qu'évoquaient pour moi les éditions Scream Black Cat et cette romancière oubliée, Sawana Warlock. Des souvenirs ont émergé, des images de couverture, floues, et plus particulièrement celle d'une femme nue sous son manteau de fourrure, et qu'un homme, debout dans son dos, étranglait au moyen d'une cordelette rouge. Cette illustration, la seule dont je me souvienne avec précision, restait liée à un épisode douloureux de mon enfance. À l'époque, je l'avais jugée digne d'un miniaturiste de la Renaissance, tant elle témoignait d'une science achevée des couleurs et du clair-obscur. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il s'en dégageait une atmosphère quasi religieuse. Mon erreur a été de m'en approcher pour admirer la précision hallucinante avec laquelle le moindre objet était reproduit. En ces temps lointains, nous vivions en Suisse, au pied d'une station de ski réputée. Ma mère louait un chalet à l'année. C'était une artiste. Elle écrivait des romans qu'elle illustrait elle-même. On lui reconnaissait du talent, mais c'était une personne au caractère difficile. Fruit d'un accident amoureux, j'étais pour elle un fardeau inattendu dont elle n'avait ni le temps ni le goût de s'occuper. Dès le début, nous ne nous entendîmes guère, et cela n'alla nullement en s'arrangeant. Quant à moi, je réprouvais son existence dissolue, et ses compagnons de débauche qui ne perdaient jamais une occasion de me peloter dans les coins, tandis que, saoule comme une grive, elle assistait à la scène en éclatant d'un rire aigu qui me sciait les nerfs. Peu à peu, elle cessa d'écrire et la peinture devint son unique ressource. La célèbre romancière américaine Sawana Warlock avait exigé qu'elle devienne son illustratrice personnelle. Un contrat d'exclusivité avait été scellé en ce sens. J'étais très jeune à l'époque et ne conserve aujourd'hui qu'un souvenir diffus de l'événement. Il me semble néanmoins, lorsque j'y réfléchis, que la collaboration des deux femmes tourna vite à l'orage. La romancière s'avéra tyrannique, odieuse, téléphonant des USA sans tenir compte du décalage horaire, dictant ses ordres au beau milieu de la nuit. Ma mère fut bientôt sur les nerfs, travaillant sans relâche et avec une extrême rapidité. Une atmosphère détestable s'installa dans la maison. Je m'arrangeais pour vivre dans mon coin et n'avoir de contact qu'avec la femme de ménage qui préparait nos repas. Encore une fois, j'étais une enfant et ne prêtais qu'une attention distraite aux symptômes de délabrement nerveux dont ma mère faisait montre. La détresse et la rancœur étouffaient en moi toute empathie. Je ne pris conscience de la gravité de la situation que le jour où je fus confronté à la fameuse peinture de la femme au manteau de fourrure. Elle séchait sur la table à dessin quand je commis l'erreur de l'effleurer du bout des doigts. La gifle que m'asséna ma mère me fit perdre l'équilibre et me projeta contre un radiateur, me fendant une arcade sourcilière. Des insultes suivirent. Je ne répliquai pas. Elle empêchait l'alcool et ses mains tremblaient, comme si elle avait été témoin d'un drame et échoué à surmonter ses émotions. Par la suite, elle ne chercha nullement à s'excuser. Voilà, c'est à peu près tout ce dont je me souvenais. Mon estomac s'est noué. La coïncidence était troublante. Ainsi, par le plus grand des hasards, la femme au manteau de fourrure étranglée par une ombre me ramenait 20 ans en arrière. Cela me remuait d'autant plus qu'il n'était pas exclu que ma mère ait été assassinée, elle aussi, et peut-être par mon père. Pour ceux qui l'ignorent encore, mon histoire familiale est assez compliquée. Je n'ai jamais pu déterminer avec précision ce qui avait poussé mes parents l'un vers l'autre. Ils étaient si différents. À moins que ce ne soit justement cette différence qui ait agi sur eux à la manière d'un aimant. Ma mère avait une vingtaine d'années lorsqu'elle a rencontré celui qui se faisait alors appeler Russell Holding et exerçait la profession de guide de haute montagne en Suisse. Je pense qu'elle a été d'emblée électrisée par l'aura de virilité émanant de mon père. Une virilité qui fleurait bon le prédateur en sommeil, le lion qui digère mais n'en demeure pas moins dangereux. Elle était encore à un âge où les filles se rêvent un destin d'aventurière. Elle décida que Russell Holding serait son prince pirate, celui auprès duquel elle connaîtrait le grand frisson. Hélas, le frisson érotique des débuts se changea en frisson d'angoisse au fur et à mesure qu'elle prenait conscience de la véritable personnalité de son partenaire de lit. Russell Holding, qui devait bientôt changer d'identité, était un terroriste en cavale, un spécialiste en explosifs louant ses services aux plus offrants. Je crois qu'elle aurait rompu si elle n'avait eu peur de lui et si je n'étais pas née. Deux gros obstacles qui faisaient barrage à son désir de fuite. Il est évident que mon père aurait préféré avoir un garçon. Faute de grives, on mange des merles. Il a décidé de passer outre et de faire comme si. Toute petite, il m'a soumise à l'entraînement des enfants soldats. J'en ai déjà beaucoup parlé, je n'y reviendrai pas. À l'époque, nous vivions isolés dans les montagnes helvétiques et je croyais de bonne foi que toutes les fillettes de mon âge apprenaient à démonter et remonter un AK-47 en moins d'une minute et qu'un jour, des gens de l'extérieur viendraient nous faire du mal. En prévision de cet affrontement, il convenait de se tenir prêt à riposter. Un gosse s'adapte vite. Je pense qu'il en a été de même pour les enfants des pionniers de l'Ouest américain qu'on préparait, tout jeunes, à repousser les raids indiens. On naissait avec, en guise de hochet, une Winchester dans son berceau. Bref, il m'a fallu du temps pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Mon père s'absentait souvent pour de longues périodes. Officiellement, il accompagnait des cordées internationales à la conquête de sommets aussi dangereux qu'inutiles. Ma mère m'a révélé que c'était une couverture. En réalité, Daddy allait fabriquer de jolies bombes pour un réseau terroriste officiant à l'autre bout du monde. Un jour enfin, il n'est pas rentré, et maman m'a appris qu'il était probablement mort, qu'on ne le reverrait jamais, et que c'était un bon débarras. Ce qui s'est avéré faux. D'ailleurs, tout était faux. D'abord, mon père n'était pas mort, ensuite, ce n'était pas un criminel, mais un agent de la CIA chargé d'infiltrer les cellules terroristes œuvrant en territoire étranger. Qui y avait-il de vrai dans ce foutoir de contradictions? Je n'ai jamais pu le déterminer avec précision, et aujourd'hui encore, je demeure dans l'expectative. Qui était mon père? Un agent secret? Un espion désavoué ayant retourné sa veste? Et au final, le meurtrier qui avait assassiné Anne Katz, ma mère, avant de mettre le feu à notre chalet, dans le but de rendre toute autopsie impossible? Note. Pour en savoir davantage, se reporter aux précédents ouvrages de la série. Fin de note. J'ai renoncé à savoir. Mal à l'aise, je me suis versé un autre verre. Un signal d'alarme beuglait dans mon crâne, me suppliant de ne pas accepter la proposition de Benjamin Lawson. C'était un sursaut purement animal, une manifestation de l'instinct de survie. Inutile de le préciser, hanté par l'image de la femme au manteau de fourrure, j'ai passé une mauvaise nuit. Dans mes rêves, elle avait le visage de ma mère. Quant à l'assassin, c'était tantôt mon père, tantôt moi-même. Je me suis plusieurs fois réveillée en sursaut. Dans une autre variante, je portais le manteau de fourrure et l'assassin inconnu m'étranglait en me susurrant des mots incompréhensibles à l'oreille avec la voix de ma mère. Je ne cherchais même pas à me défendre, persuadée que je méritais de mourir ainsi. L'aube m'a trouvée hagarde, en proie à des sentiments confus et contradictoires que je préférais ne pas analyser. Je me suis rendue présentable. J'ai préparé mon sac de voyage et quitté l'agence. En prévision des multiples déviations imposées par les dégâts du séisme, je préférais prendre la route de bonne heure. Contrairement à mes craintes, la circulation est restée fluide jusqu'à San Diego. Après avoir garé ma Chevy Biscayne dans un parking hautement surveillé, j'ai traîné un moment dans la ville, espérant tromper mon angoisse par une séance de lèche-vitrine. Mais le remède n'a rien donné. Finalement, je suis arrivée en avance au rendez-vous. Comme chaque fois, la vue de Spruce Ghost m'a remuée. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'un avion gigantesque, presque aussi haut qu'un immeuble de 10 étages et dont les ailes mesurent 100 mètres. Ce monstre des airs, sorti de l'imagination du milliardaire inventeur mégalomane Howard Hughes, devait servir au transport d'un millier de soldats et d'une douzaine de chars d'assaut. En vérité, il effectua un seul et unique vol au cours duquel il ne parvint à s'élever que d'une 20 mètres. J'ai toujours vu en lui une métaphore de l'Amérique. Je veux dire une machine magnifique, démente, sortie d'un cerveau prodigieux, potentiellement capable d'accomplir des miracles et qui en définitive ne fonctionne pas. J'étais là, le nez levé vers ce demi-dieu en léthargie depuis des lustres, quand une voix juvénile et outrageusement dynamique a retenti dans mon dos. « Mickey Katz ?» J'ai sursauté malgré moi, et l'espace d'une seconde, l'image de l'étrangleur au cordon rouge m'a traversé l'esprit. Ben Lofton se tenait là. Beau mec, blond, dents plus étincelantes que la neige, gaulé comme un athlète olympique. Le sourire en banane et les yeux froids, façon Wall Street. Il portait une tenue de tennis et des baskets à $2000, comme il se doit. Sans doute sa manière à lui de s'affirmer décontracté. Je l'ai détesté au premier regard, et je pense que c'était réciproque. Si nous avions été des animaux, nous nous serions sautés à la gorge. Moi la première. J'ai du mal à supporter l'arrogance des anciens de l'Ivy League, même quand ils ont été virés de la fac, comme Lofson. Note sur Ivy League, université des plus renommées des USA. Fin de note. On leur a très tôt inculqué le virus du surhomme. Ils n'en guérissent jamais. Bon, a-t-il déclaré, on a pas mal de route à faire. Ne prenez pas votre voiture, je vous emmène. Ça me permettra de vous exposer le dossier en roulant. C'est assez compliqué. Où allons-nous? Dans les environs de Salton Sea. Vous connaissez? J'ai retenu une grimace. Cette annexe du purgatoire ne m'avait pas laissé un bon souvenir. « Plutôt oui, ai-je grommelé. Vous comptez traverser le désert d'Anza Borrego pour y accéder ?»« On évitera, ça risquerait d'être chaud. Si la climatisation nous lâchait, on aurait peu de chances d'en sortir vivant. » Sans plus de formalité, il m'a tourné le dos et s'est dirigé vers un énorme humeur pour milliardaire garé de l'autre côté de la place. Il n'avait pas menti au sujet de la clim. Un froid polaire régnait à l'intérieur du véhicule. La chair de poule m'a hérissé les avant-bras. « Ok, a-t-il soupiré. Je vais vous exposer le truc en essayant d'être le moins chiant possible. Vous savez qui je suis. Au sein de notre boîte d'édition, j'ai la responsabilité du secteur fiction, et plus particulièrement des romans policiers ou d'épouvante. Je ne suis pas fan de bouquins, mais c'est le boulot. De toute manière, je ne lis jamais les manuscrits, j'ai des esclaves pour ça. Il y a 2 mois, le vieux type qui gère les contrats au service juridique s'est pointé dans mon bureau avec une tête de constipé au bord de l'explosion anale. Il m'a expliqué que nous risquions de perdre les droits d'exploitation des bouquins de Savannah Warlock. J'avais entendu dire qu'elle était morte. Elle l'est plus ou moins, mais elle a légué ses droits à mon père à la condition incontournable que son musée soit maintenu dans un état irréprochable jusqu'à l'an 2050. C'est quoi être plus ou moins mort? Elle a été portée disparue. On n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé. Au bout du délai légal, un juge l'a déclarée morte. On lui a consacré un musée? Ne m'interrompez pas tout le temps, sinon on va y passer la nuit. Il s'agit en réalité de sa maison personnelle. Son « castel », comme elle disait. Elle y vivait en recluse. Il faut dire qu'elle a fini cinglée. Bref, à sa mort légale, la bicoque a été transformée en musée ouvert à ses fans. Ils accouraient de partout en pèlerinage. Le genre nerd ou nolage, si vous voyez. Des allumés qui la vénéraient comme la déesse du polar. Ils campaient autour de la baraque. Un vrai carnaval. Au fil du temps, la bâtisse s'est déglinguée. Il aurait fallu l'entretenir. Comme ses livres se vendaient de moins en moins, on ne s'est pas pris la tête avec ça. Savannah Warlock s'était démodée. Une vieille dame indigne, toquée. Une hippie délirante qui s'était flingué les neurones au LSD et en se trémoussant seins nus à Woodstock. On a fini par oublier la clause confiscatoire du testament qui nous privait définitivement de ses droits littéraires si le foutu castel tombait en ruine. Je vois, ce n'était plus une priorité pour vous. Exact, on s'en foutait. On a déconné. On n'avait pas prévu qu'un cinéaste, pas plus tard que l'année dernière, tirerait d'un de ses romans un film à succès. Le méga blockbuster. Du coup, ses bouquins sont revenus à la mode et se vendent par camion entier. Aujourd'hui, ils constituent la ressource principale de notre boîte. La pompe à dollars numéro 1. Sans eux, on risque la faillite. Où est le problème? Le problème, c'est qu'un petit malin d'une maison d'édition concurrente a eu vent de la fameuse clause et s'est empressé de contacter l'exécuteur testamentaire de Savannah Warlock pour lui apprendre que nous étions en infraction caractérisée puisque le fameux musée tombait en ruine. Une procédure a donc été engagée et nous avons reçu l'injonction de remettre la baraque en état sous 30 jours. Faute de quoi, nous perdons les droits de l'œuvre de Sawana, qui seront transférés d'autorité à une autre maison d'édition. Vous pigez? Je crois. Vous voulez que je transforme une baraque pourrie en un bâtiment flambant neuf en moins de 4 semaines? C'est cela même. Vous disposerez des moyens nécessaires, matériaux, ouvriers. Ce sera une course contre la montre. Le premier du mois prochain, le notaire débarquera avec ses huissiers pour inspecter votre travail. S'il se déclare satisfait, nous serons sauvés, et mon paternel saura se montrer reconnaissant. Je ne sais pas grand-chose de cet auteur. Dans quel style souhaitez-vous que je travaille? Merde, je n'en sais rien. Voyez ça comme une espèce de Disneyland cauchemardesque, genre train fantôme. Les fans adorent ces trucs glauques. Je vous ai amené un dossier rempli de photos prises après la disparition de Savannah. C'est très gothique. Soyons sérieux. Vous voulez quoi? Un festival Halloween pour ados boutonneux? Non, pas jusque-là. Plus classe, mais inquiétant. Une atmosphère de malaise. Un peu un télo, quoi. C'est tout de même une romancière. Ces gens-là se prennent au sérieux. Travaillez plutôt dans la terreur existentielle, si tant est que cela veut dire quelque chose. La maison de Norman Bates dans Psychose? Connais pas? C'est un film en noir et blanc? Je ne regarde jamais ces vieilles merdes. D'ailleurs, je ne regarde aucun film avant l'invention du téléphone portable. Je trouve ça grotesque. Ces mecs qui appellent depuis une cabine... Pourquoi pas enfermé dans une boîte en carton? Il est parti d'un rire aigu, trop aigu. Je me suis demandé s'il n'était pas déjà stone. Il reniflait trop à mon goût, et le pourtour de ses narines était à vif, à la limite de la crise hémorroïdaire. Le dossier est sur le siège arrière, a-t-il hoqueté. Jetez un coup d'œil aux photos, ça vous donnera une idée de l'ambiance. De toute manière, il y a un concierge sur place. Un vieux débris pompait pour empêcher les fans de piller la baraque. Il a bien connu Sawana. Je pense même qu'il la sautait. Il pourra vous raconter des choses intimes qui vous inspireront. Il s'est arrêté sur le bas-côté pour me donner le temps de passer à l'arrière. Je l'ai fait avec soulagement, car l'odeur aigre qui perçait sous les effluves de sa coûteuse lotion après rasage commençait à m'indisposer. Une fois sanglé, j'ai saisi le dossier, sale et aussi épais qu'un dictionnaire. Il contenait les copies des contrats passés par Sawana, ainsi que des coupures de presse et des dizaines de clichés aux couleurs délavées. Ben Lofson, lui, avait coiffé une paire d'écouteurs et dodelinait de la tête au rythme d'une musique dont les stridences nasillardes évoquaient un combat au canon laser entre patrouilleurs intersidéraux. Il semblait avoir oublié mon existence. Cela me convenait. J'ai longuement regardé la photo de Sawana Warlock. J'ai vu une femme osseuse mais belle, au regard intense de possédée. Une masse hirsute de cheveux noirs, bouclés, encadrait son visage aux pommettes proéminentes, slave. Ses paupières lourdes, fardées de bistre, lui conféraient un faux air d'hypnotiseuse ou de voyante extralucide. Une sorcière, soit, mais foutrement sexy. Je ne m'y suis pas arrêtée, il était manifeste que le photographe avait voulu donner d'elle l'image d'une succube. C'était là le cliché promotionnel typique, du chiqué. On ne pouvait toutefois s'empêcher de discerner une ombre douloureuse chez cette femme. Une souffrance cachée, un secret. Ou alors, c'est qu'elle jouait super bien la comédie. Feuilletant les contrats, j'ai appris qu'elle se nommait en réalité Hélène Marie Fagerty. Elle était de la génération qui avait manifesté contre la guerre du Vietnam, vécu en communauté, essayé d'atteindre la sérénité suprême en ingérant du peyote, en lisant Carlos Castaneda. La génération Woodstock, des drop-out, Jim Morrison et les Doors. Les enfants d'Aquarius et de la comédie musicale Air. Qui se souvenait encore, aujourd'hui, qu'ils avaient été incroyablement jeunes, assez jeunes pour s'évertuer à renverser tous les tabous? Probablement personne. Une note récapitulative indiquait qu'elle avait écrit 22 romans policiers dont la plupart avaient fait scandale. Certains d'entre eux avaient même été interdits dans plusieurs États pour pornographie et incitation à la violence. Une brève biographie précisait qu'elle avait vécu en recluse dans sa résidence de Salton Sea pendant une trentaine d'années, imitant en cela Howard Phillips Lovecraft, le prisonnier volontaire de Providence, et qu'elle avait connu un succès considérable avant de sombrer dans l'oubli et de n'être plus vénérée que par un fan club d'une dizaine de membres, les Fils de la Hyène. On estimait qu'elle avait gagné une véritable fortune, dont, inexplicablement, ses exécuteurs testamentaires n'avaient trouvé trace nulle part. Ce dernier détail m'a fait froncer les sourcils. Pourquoi une romancière richissime s'était-elle obstinée à vivre dans une telle fournaise, au bord d'un lac salé rempli de poissons crevés? Il y avait là un truc incompréhensible. Se cachait-elle? Et de qui? Salton Sea, je connaissais. C'était le pire trou du cul du monde. C'était davantage une blessure suppurante refusant de guérir. Un abcès géant au milieu du désert.